un voyage. Le lendemain, dès 5 heures, avant que Madame de Rênal fût visible, Julien avait obtenu de son mari un congé de 3 jours. Contre son attente, Julien se trouva le désir de la revoir. Il songeait à sa main si jolie. Il descendit au jardin. Madame de Rênal se fit longtemps attendre. Mais si Julien l'eût aimée, il l'eût aperçue derrière les persiennes à demi fermées du premier étage, le front appuyé contre la vitre. Elle le regardait. Enfin, malgré ses résolutions, elle se détermina à paraître au jardin. Julien s'approcha d'elle avec empressement. Il admirait ses bras si beaux qu'un châle jeté à la hâte laissait apercevoir. Il fut étonné de la froideur glaciale qu'on cherchait à lui montrer et à travers laquelle il crut même distinguer l'intention de le remettre à sa place. Le sourire du plaisir expira sur ses lèvres. Il se souvint du rang qu'il occupait dans la société et surtout aux yeux d'une noble et riche héritière. « Il n'y a qu'un sot, se dit-il, qui soit en colère contre les autres. Une pierre tombe parce qu'elle est pesante. Serais-je toujours un enfant ? Quand donc aurais-je contracté la bonne habitude de donner de mon âme à ces gens-là juste pour leur argent ?» Pendant que ses sentiments se pressaient en foule dans l'âme du jeune précepteur, sa physionomie mobile prenait l'expression de l'orgueil souffrant et de la férocité. Madame de Rênal en fut toute troublée. Julien, dont le jugement n'était troublé par aucune passion, trouva bien vite un moyen de marquer à Madame de Rênal combien peu il se croyait avec elle dans des rapports d'amitié. Il ne lui dit rien du petit voyage qu'il allait entreprendre, la salua et partit. Comme elle le regardait aller, atterrée de la hauteur sombre qu'elle lisait dans ce regard si aimable la veille, son fils aîné, qui accourait du fond du jardin, lui dit en l'embrassant « Nous avons congé. Monsieur Julien s'en va pour un voyage. » À ce mot, Madame de Rênal se sentit saisie d'un froid mortel. Elle était malheureuse par sa vertu et plus malheureuse encore par sa faiblesse. Il n'était plus question de résister à cet amant si aimable, mais de le perdre à jamais. Afin de pouvoir du moins pleurer en liberté et ne pas répondre aux questions de Madame d'Herville, elle parla d'un mal de tête affreux et se mit au lit. Pendant que Madame de Rênal était en proie à ce que de plus cruel la passion terrible dans laquelle le hasard l'avait engagée, Julien poursuivait son chemin gaiement au milieu des plus beaux aspects que puissent présenter les scènes de montagne. Enfin, il atteignit le sommet de la grande montagne, près duquel il fallait passer pour arriver par cette route de traverse à la vallée solitaire qu'habitait Fouquet, le jeune marchand de bois, son ami. Julien n'était point pressé de le voir, lui ni aucun autre être humain. Il découvrit une petite grotte au milieu de la pente presque verticale d'un des rochers. Il prit sa course et bientôt fut établi dans cette retraite. « Ici, dit-il, avec des yeux brillants de joie, les hommes ne sauraient me faire de mal. « Pourquoi ne passerai-je pas la nuit ici ? Se dit-il. « J'ai du pain et je suis libre. » Au son de ce grand mot, son âme s'exalta. Son hypocrisie faisait qu'il n'était pas libre, même chez Fouquet. Le jeune paysan ne voyait rien entre lui et les actions les plus héroïques que le manque d'occasion. Mais une nuit profonde avait remplacé le jour, et il avait encore 2 lieues à faire pour descendre au hameau habité par Fouquet. Mais une nuit profonde avait remplacé le jour, et il avait encore 2 lieues à faire pour descendre au hameau habité par Fouquet. Il étonna bien son ami en frappant à sa porte à 1 heure du matin. Il trouva Fouquet occupé à écrire ses comptes. C'était un jeune homme de haute taille, assez mal fait, avec de grands traits durs, un nez infini et beaucoup de bonhomie cachée sous cet aspect repoussant. « Tu t'es embrouillé avec ton monsieur de Rênal que tu m'arrives ainsi à l'improviste ?» Julien lui raconta, mais comme il le fallait, les événements de la veille. « Reste avec moi, » lui dit Fouquet. « Je vois que tu connais M. de Rênal, M. Valneau, le sous-préfet Montgiron, le curé Chaland. Tu as compris les finesses du caractère de ces gens-là. Te voilà en état de paraître aux adjudications. Tu sais l'arithmétique mieux que moi. Tu tiendras mes comptes. Je gagne gros dans mon commerce. L'impossibilité de tout faire par moi-même et la crainte de rencontrer un fripon dans l'homme que je prendrai pour associé m'empêchent tous les jours d'entreprendre d'excellentes affaires. » Cette offre donna de l'humeur à Julien. Elle dérangeait sa folie. Pendant tout le souper que les deux amis préparèrent eux-mêmes comme des héros d'Homère, car Fouquet vivait seul, il montra ses comptes à Julien et lui prouva combien son commerce de bois présentait d'avantages. Fouquet avait la plus haute idée des lumières et du caractère de Julien. Quand enfin celui-ci fut seul dans sa petite chambre de bois de sapin, « Il est vrai, se dit-il, je puis gagner ici quelques 1000 francs, puis reprendre avec avantage le métier de soldat ou celui de prêtre, suivant la mode qui alors régnera en France. » Il est évident que s'il prend un associé qui n'a pas de fonds à verser dans son commerce, c'est dans l'espoir de se faire un compagnon qui ne le quitte jamais. Mais tout à coup, Julien fut heureux. Il avait une raison pour refuser. « Quoi, je perdrai lâchement 7 ou 8 années ? J'arriverai ainsi à 28 ans. Mais à cet âge, Bonaparte avait fait ses plus grandes choses. » Le lendemain matin, Julien répondit d'un grand sang-froid au bon Fouquet que sa vocation pour le Saint-Ministère des Hôtels ne lui permettait pas d'accepter. Fouquet n'en revenait pas. « Mais songes-tu, lui répétait-il, que je t'associe, ou, si tu l'aimes mieux, que je te donne 4000 francs par an ? Et tu veux retourner chez ton monsieur de Rênal qui te méprise comme la boue de ses souliers ?» Rien ne put vaincre la vocation de Julien. Fouquet finit par le croire un peu fou. Le troisième jour, de grand matin, Julien quitta son ami pour passer la journée au milieu des rochers de la grande montagne. Il retrouva sa petite grotte, mais il n'avait plus la paix de l'âme. Les offres de son ami la lui avaient enlevée.